Bonjour, c'est Alan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com/podcastscience et de faire un petit don. Au même tout petit, hein. Pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. Bonsoir. Ce soir, nous ne resterons pas bien longtemps. Nous risquons même de finir très positif, car même si le sujet du jour n'est pas du tout élémentaire, notre invité Niels Barrelon va nous parler des petits neutrinos, et surtout du physicien Ettore Majorana, je ne parle pas d'italien, qui contribua à la découverte de cette particule avant de disparaître, hélas, mystérieusement. Nous sommes le mercredi 22 janvier de l'an 2020. Vous êtes dans Podcast Science, émission 398. Bienvenue. Eh bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui ai le grand plaisir de vous présenter cette émission en compagnie de Cléora depuis la Normandie. Salut à tous. Nous avons Ea depuis Strasbourg à la technique. Bonsoir. On va essayer, hein. C'est pas dit que ça marche jusqu'au bout, mais on va essayer. Moi, j'ai confiance. Hyper. Et puis, eh bien, nous avons notre invité, Niels, depuis Paris. Bonjour. Voilà, eh bien, nous savons que nos auditeurs aiment particulièrement les émissions sur la physique. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un écrivain qui est aussi prof de physique, ou bien un prof de physique qui est aussi écrivain. Bref, Niels a écrit un polar que nous vous recommandons et qui s'appelle « Le neutrino » de Majorana. Et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais pour le moment, je vous laisse avec Niels qui va vous raconter l'histoire d'Ettore Majorana. C'est à toi. Et c'est à moi. Alors déjà, je te reprends, Irène, mais bon, je suis un peu taquin. Moi, je dirais plutôt Ettore Majorana. Voilà, mais bon, il faut avoir un peu habité dans le sud, quoi. Oui, je comprends. Hein, j'ai cru comprendre que tu étais très loin de l'Italie. Non, bon, je te Non, mais donc, j'assume. Moi, perso, je dirais Ettore Majorana. Je fais le malin. Je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais en tout cas, c'est comme ça que je le dirais. Et donc, ben, je vais vous présenter un petit peu sa vie et puis surtout pourquoi... eh bien, ses travaux qui étaient finalement assez obscurs et peu compris, peu distribués à son époque, reviennent énormément à la mode, si on peut parler comme ça d'une théorie scientifique, tout simplement pour expliquer la matière noire. Donc, eh ben, c'est parti, on y va. Allez, Ettore Majorana naît donc le 5 août 1906 à Catane, dans un petit immeuble de la Via Etnea. Alors, j'espère ne froisser personne, mais certains sont aussi nuls en géographie que moi, je préfère rappeler que Catane est en Sicile, une île au sud-ouest de l'Italie, je dirais, comme ça, hein, un truc comme ça, et que sur cette île, il y a l'Etna, un des volcans actifs d'Europe, et donc bah, rien d'étonnant à trouver une via Etnea, une rue Etnea à Catane. Et quand on va à Catane, ce que j'ai fait il y a 2 ans, devant ce petit immeuble, on trouve une plaque. Alors, elle est en italien, mais je ne vais pas essayer de la lire en italien. Hein. Elle dit ceci en français. Dans cette maison, le 5 août 1906, naquit Ettore Majorana, physicien théoricien. Son génie solitaire et timide scruta et illumina les secrets du monde avec la lueur d'un météore qui disparut trop tôt en mars 1938, nous laissant le mystère de ses pensées. Et ben, à la lecture de cette plaque, quand on connaît un petit peu la vie de Majorana, ce que j'espère qu'il sera un petit peu votre cas dans 3/4 d'heure, une demi-heure, on voit que cette plaque est pas mal faite, effectivement. Alors, Majorana, né en 1906, ça veut donc dire, si je ne dis pas de bêtises, ou si ses parents ne sont pas des extraterrestres, qu'il a été conçu en 1905. Et 1905, pour quiconque s'intéresse un petit peu à la physique, ça doit faire tilt, parce que c'est une des deux annus mirabilis de la physique. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a que deux. Enfin, voilà, le monde des scientifiques a décrété que deux années étaient miraculeuses. Alors, il y a celle de 1666 qui se retient bien, hein, 666. C'est l'année où Newton va créer les outils qui vont lui permettre d'énoncer les trois lois que l'on étudie maintenant sans arrêt au lycée, les trois lois dites de Newton. Donc, première année miraculeuse. Et la deuxième, donc, en 1905, c'est l'année où Albert Einstein, la même année, ça me scie à chaque fois, mais cette année 1905, il publie quatre articles de physique qui vont chacun à leur façon révolutionner les sciences physiques. Il y a le fameux article sur E égale MC2, énergie et matière. Il y a l'énoncé de la relativité restreinte, donc c'est un article séparé. Il y a un article qui prouve l'existence des atomes. Et à cette époque, il faut quand même rappeler que tout le monde n'était pas encore convaincu de l'existence des atomes. En 1905, il y avait une bonne frange de la population scientifique qui doutait de l'existence des atomes. Et Einstein va proposer une expérience qui permet de s'en assurer à coup sûr, expérience que réalisera Jean Perrin peu de temps après. Et puis un dernier papier qui va expliquer l'effet photoélectrique. Quand on éclaire une plaque de métal, on voit apparaître un courant électrique. Et là, c'est le début finalement de la mécanique quantique, parce qu'il faut parler de la quantification de l'énergie dans la matière. Donc, en fait, Majorana va naître pratiquement en même temps que la mécanique quantique. Voilà, si on peut résumer un petit peu comme ça. Et sa vie, va avancer en parallèle avec toutes les découvertes de mécanique quantique. Et vous allez voir qu'il va y prendre part vraiment plus souvent qu'à son tour. Donc, au moment où il naît, l'atome est vu comme, pour les scientifiques, un pain au raisin. C'est la théorie qui fait foi en ce moment. Cette théorie est due à Thomson, un Anglais, qui a découvert les électrons un petit peu plus tôt, en 1898, et qui dit l'atome doit être comme, alors il était anglais, doit être comme un pudding, c'est-à-dire une espèce de pâte positive dans lequel baignent des électrons. Voilà comment on voit l'atome au moment où Ettore Majorana naît. Et on va voir comment tout cela va évoluer. Alors, Ettore est le quatrième enfant d'une famille de cinq frères et sœurs. Et les Majorana sont une grande famille sicilienne. Le grand-père d'Ettore a été ministre et député à la fin du siècle dernier. Le père de Majorana est ingénieur et il est responsable des télégraphes et de la télécommunication dans Catane. Il a une grosse entreprise qui gère tout ça, donc ils sont assez riches, hein, les Majorana. Et puis, il a un oncle, donc le frère de son père, Quirino, qui lui est carrément professeur de physique expérimentale à Bologne. Donc voilà, il est dans un milieu cultivé, dans lequel on lit, on travaille. Il a d'ailleurs été éduqué par ses parents, qui refusaient de les mettre à l'école, les cinq frères et sœurs, et éduqué un petit peu à la dure. Et voilà. Bon, Ettore est un petit garçon assez fin, au teint pâle, mais avec des cheveux et des yeux très très noirs. Et Léa, si tu as une photo à mettre, c'est le moment. Alors bien sûr, ce ne sera pas une photo d'Ettore petit, mais on voit bien qu'il est, il est italien, quoi. J'ai mis la photo dans la chatroom. Tu es extraordinaire. Tu vois, tu es extraordinaire. Donc, je confirme. Elle y est, ok, super. Donc, vous voyez qu'il est, il a vraiment le type italien, on dirait ombrageux. Très vite, le petit Majorana fait preuve d'un talent pour les mathématiques qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Exceptionnel, c'est-à-dire que très rapidement, il est capable de faire des calculs, allons-y franchement, que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser. Ses parents s'en apercevant, ils vont même le mettre en scène. Alors, ça, c'est peut-être, d'aucuns disent que c'est ça qui l'a rendu si timide, mais il le met en scène donc devant des gens, parce que c'est un peu une bête de foire. Il est capable d'extraire des racines carrées, de faire des multiplications de 6 chiffres par 7 chiffres. Il ne se trompe jamais. Donc, il le met sous la table, une grande table de la cuisine, et il lui pose des devinettes mathématiques qu'il résout chaque fois sans aucun problème, mais voilà, renfermé dans son monde sous cette table, et on l'entend juste le résultat comme ça qui gicle toujours juste à la grande surprise et au grand étonnement des invités. Bon, ceci étant, ça reste un gamin, il y a une anecdote, à 10 ans il prend le volant de la voiture de son père, il enlève le frein à main et il va s'écraser sur le mur un tout petit peu plus bas, il se fait mal, hein, il aura une grande cicatrice qu'il gardera sur la main et sur la cuisse toute la vie. Alors, inutile de dire, avec ce préambule, eh bien, qu'il suit une scolarité sans aucun souci, qui est même exemplaire, il obtient son baccalauréat. Alors là, j'ai mis baccalauréat et je vous cacherai pas que je ne sais pas si en Italie on passe le baccalauréat, enfin le diplôme de fin d'études du lycée, quoi. Il l'obtient à 16 ans. Donc, si c'est comme chez nous, ça veut dire 2 ans d'avance, hein, ce qui est pas mal. Et en parallèle de sa scolarité, il suit énormément les avancées scientifiques du moment, notamment en lisant la revue, par exemple, Nuovo Cimento, qui est un petit peu l'équivalent de Pour la Science ou Pour la Recherche. C'est ça, la recherche pour la science. Enfin, c'est une revue scientifique de très haut niveau. Et il se tient au jus de ce qui se passe au niveau de l'atome, parce que autant vous dire que ça foisonne à cette époque. C'est-à-dire que, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un vienne apporter une brique supplémentaire au magnifique édifice du modèle atomique. En 1911, Rutherford a montré que dans le noyau, il y avait des protons. Déjà, donc voilà, Majorana a 6 ans, bon, ça m'étonnerait que là il l'ait su, mais voilà, déjà on a un petit peu avancé. On sait qu'il y a un noyau, on sait qu'il y a des protons à l'intérieur. Peu de temps après, en 1913, Niels Bohr, qui était son ancien élève, va lui montrer que les électrons ne tournent pas comme des petites planètes autour d'un soleil, autour du noyau, mais sur des orbites bien définies. Les couches électroniques, ça c'est déjà aussi une révolution. On est vraiment dans la mécanique quantique. Tous les niveaux d'énergie ne sont pas accessibles aux électrons. Donc ce modèle, voilà, continue et Majorana se tient au courant. Pour ses études, il est un petit peu, il réussit, donc il ne sait pas trop quoi faire. Et après le bac, eh bien, il s'inscrit à l'université de Rome, faculté ingénierie. Il se dit qu'il allait faire comme papa. Bon, papa est un bon ingénieur, hein, il travaille dans les télécommunications, il connaît Marconi, l'inventeur de la TSF à l'époque, enfin pas de la TSF, de la radio, parce que TSF, je crois qu'il y a France dans TSF, me semble-t-il. Il s'inscrit donc à la fac, et c'est là qu'il va sympathiser avec Emilio Segré. Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, Emilio Segré. Alors, tout au long de cette petite présentation, en fait, chaque fois que quelqu'un a le prix Nobel, je vous le dirai. Je ferai un petit tut-tut, et là, Emilio Segré, voilà, c'est un premier prix Nobel, hein, 1959, c'est un excellent savant italien. Il se lie d'amitié aussi avec Piquet, Gentile, qui vont jouer un grand rôle dans sa vie. Tous ses camarades sont eux aussi impressionnés par son niveau de mathématiques, il est vraiment mais excellentissime. Il est capable, par exemple, de tirer des cosinus, des logarithmes, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment un calculateur hors pair. Alors, hors pair, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Figures de l'Ombre, qui est sorti il y a peu de temps. Hein. C'est l'histoire de trois femmes. Je fais vraiment une parenthèse, une digression, je me permets. Vous me dites hein, si c'est casse-pied, mais c'est l'histoire de trois femmes qui sont des calculatrices en fait à la NASA dans les années 50 et qui étaient chargées eh bien, de faire les calculs que les ingénieurs qui travaillaient sur les fusées, dont les ingénieurs qui travaillaient sur les fusées, avaient besoin. Et donc, elles avaient des capacités en mathématiques assez surprenantes. Donc, il y a des gens comme ça qui sont doués pour faire des calculs. Majorana était très doué pour faire des calculs. Il était vraiment, il avait un don pour l'abstraction et pour les chiffres qui était hors norme. Une petite anecdote à ce sujet que l'on retrouve dans beaucoup de livres sur Majorana. Un jour, en maths, son professeur, le professeur Severi, est au tableau et galère, pour utiliser un mot de Jones, sur une démonstration mathématique. Il est là, il s'y prend mal, il recule, il efface, il n'y arrive pas, quoi. Et Toré se penche vers son pote Segré et lui dit « N'importe quoi, il fait n'importe quoi, il n'y arrivera pas comme ça ». Alors Segré lui dit « va lui dire » et tout. Alors Ettore refuse, il était d'une timidité, Ettore, qui était assez impressionnante, mais le prof entend leur conversation. et dit « Monsieur Majorana, veuillez descendre, puisque vous savez tout faire. » Alors Majorana descend, ne dit rien, il prend la brosse, il efface tout le tableau, il reprend la démo de A à Z en 3-4 lignes, pouf, il pose la craie, il remonte s'asseoir, il ne dit rien, il glisse juste à son copain Segré. C'était pas la peine d'essayer de la corriger, c'était trop mal engagé. Et voilà, donc Séverine lui en a voulu toute sa vie, paraît-il. Ils n'étaient pas trop amis, mais voilà, c'est un génie, hein, déjà, de ce point de vue-là, au niveau mathématique, et il n'a pas encore attaqué les études de sciences. Parce que c'est en 1927 que ce même Segré, qui a été marché, il faisait de la marche avec Enrico Fermi, lui dit que, eh bien justement, Enrico Fermi, prix Nobel 1938, cherche des gens pour intégrer à l'université de la Sapienza un institut de physique pour lequel il a eu carte blanche, pour essayer vraiment de développer cette nouvelle science, la physique quantique, hein, qui bouillonne à cette époque. Et donc, il cherche des gens. Il a embauché Segré, qui n'est pas mauvais lui aussi, hein, attention. Et Segré a pensé à Majorana. Il lui dit, allez, viens, il faut que tu viennes avec nous. Tu vas voir, on va faire des trucs et tout. Bon, pourquoi pas. Sachant que, eh bien, en 1926, le modèle atomique a évolué et c'est Erwin Schrödinger, qui est un prix Nobel, 1933, qui va ranger à la poubelle, enfin la poubelle, c'est méchant de dire ça, mais va remiser le modèle de Niels Bohr, vous vous souvenez, avec ses petites orbites sur lesquelles tournaient les électrons, parce que lui, il va proposer un modèle ondulatoire de l'atome dans lequel les électrons sont vus comme des ondes et qui se trouvent donc dans des volumes autour du noyau, mais on ne sait pas bien où dans ce volume. Bref, c'est un grand pas d'abstraction qui est fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, alors ce n'est pas une date précise, hein, soyons honnêtes, mais on commence à se dire que les images mentales que l'on avait pour représenter la matière, les petites billes, les petites boules, ça ne marche plus, on ne peut plus voir les choses comme ceci, et donc on va vraiment abstraire, rentrer dans les maths, dans la mécanique quantique à part entière, et Majorana pour cela va vraiment exceller l'abstraction, et c'est un petit peu son dada. Donc en 1928, Majorana finalement on se dit allez, pourquoi pas intégrer cet institut. Donc il va voir Fermi dans son bureau. Il tape à la porte, il ouvre, il rentre et il découvre Enrico Fermi qui est assis derrière son bureau et qui est en train de taper sur une énorme machine à calculer, une Brunswiga, qui était un peu le top du top du moment, appliqué qu'il était à déterminer les niveaux d'énergie dans les atomes, qui nécessitaient des calculs quand même très complexes, malgré des approximations qui maintenant s'appellent des approximations de Fermi. Bref, et il a noté quelques résultats sur un tableau noir qui lui ont demandé quand même une bonne grosse semaine de travail. Et là, étoré, ne dit rien. Il regarde le tableau noir assez intensément pendant une ou deux minutes. Il demande à Fermi sur quoi il travaille. Fermi lui répond. Et là, étoré s'en va. Il fait demi-tour, il sort, il s'en va. Il ne revient que le lendemain et il retrouve Fermi dans son bureau, devant lequel il pose une feuille. Il y a des calculs dessus et ces calculs, ce sont ceux que Fermi faisait hier, qui lui avait demandé une semaine, voire 10 jours de boulot. Fermi vérifie. Tous les calculs sont justes, nickel. Il dit à Majorana, mais vous aviez une calculatrice? Majorana, non, pourquoi? Bref, Fermi ne va pas hésiter très longtemps et va donc embaucher Majorana, qui va donc intégrer l'Institut de physique via Panisperna. Alors, Eléa, si tu as la photo de la maison. Tout à fait, elle va arriver dans la chatroom. Voilà, c'est l'Institut de physique de la Via Panisperna et devient un des ragazzi, ça veut dire les garçons, avec donc Fermi, Segré, Amaldi, Agostino, Pontecorvo et Razzetti. Alors, à ce propos, en constituant le dossier, en surfant un petit peu sur le net, j'ai trouvé un film de Gianni Amelio qui s'appelle « I ragazzi di Via Panisperna ». Il est de 1988 et en fait, il revient sur cette collaboration vraiment très fructueuse de la physique italienne de cette époque. Cerise sur le gâteau, en fait, vous pouvez le voir, il est sur le site de la RAI en replay. Le seul truc pour les initiés, mais je pense que vu le niveau technique des auditeurs de Podcast Science, ça ne devrait pas poser de problème. Il faut un petit VPN pour dire qu'on est italien sans habiter en Italie. Vous voyez le truc ? C'est-à-dire que c'est autorisé qu'aux Italiens. Mais on peut voir ce film. Tout ça pour vous dire que les ragazzi de la Via Panisperna sont très, très, très connus en Italie. Nous, en France, on ne savait pas qui c'était. Mais en Italie, ce groupe-là est vraiment très connu et a sorti énormément de découvertes sous l'impulsion d'Enrico Fermi. Je t'interromps. Une seconde, on vous mettra les références sur les notes d'émission pour que vous puissiez retrouver tout ça. Ouais, j'ai mis les liens, effectivement. Voilà, avec un bon VPN, moi, j'ai réussi à les regarder. Bon, alors par contre, pas de sous-titres. Il faut les regarder en italien, mais quand on aime. Voilà, on se débrouille. L'italien n'est pas si différent du français. Revenons à Ettore. En 1929, sans aucun souci, il obtient son doctorat sur la théorie quantique des noyaux radioactifs. En 1930, la recherche continue et Wolfgang Pauli va postuler l'existence du neutrino dans une lettre qui est restée célèbre. Alors, je l'avais mise en annexe de mon dossier, mais vous n'aurez aucun mal à la retrouver sur Internet parce qu'elle est vraiment très amusante, cette lettre. Et Pauli, donc, propose à la communauté scientifique que peut-être une nouvelle particule qu'il appelle tout d'abord un neutron pourrait peut-être exister lors de la désintégration bêta pour expliquer voilà un spectre en énergie un petit peu bizarre. Enrico Fermi reprendra ce neutron, l'appellera petit neutron, neutrinino, et puis au fil du temps ça deviendra le neutrino et on verra comment Ettore s'en emparera d'ici peu. En janvier 1932, Ettore est à la bibliothèque et prend la connaissance des travaux des épaules Joliot-Curie, prix Nobel 1935. Ça fait trois prix Nobel, ça. Hein. Ça fait trois. J'en ai encore deux, trois dans ma musette. Ne vous inquiétez. Non, mais je veux dire que les Joliot-Curie, seuls, ça fait trois prix Nobel. Ah oui, exact. Oui, avec leur mère avant, oui, bien sûr. Ah ben, si on compte la mère, ça fait quatre. Parce que les Joliot, Marie, il y en a eu deux. Ouais. Enfin, Marie en a eu deux, lui, la fille, elle en a eu un, et du coup, et Pierre Curé aussi, en fait. Alors, en fait, ils sont, quoique Marie et Pierre se sont partagés le même. Alors, oui, normalement, ils se sont partagés le même. Alors, effectivement, ouais. Oui. On va dire trois. Il avait insisté pour que Marie ait, elle aussi, le prix Nobel. Au départ, il ne voulait le remettre qu'à lui. Il a dit, je ne le prends pas si ma femme n'est pas associée à ce prix Nobel. Donc, oui, ça fait quatre, si on veut. C'est vrai. Donc, alors, tu vas voir, parce que... Voilà, la famille Curie, c'est quand même pas des... c'est pas des Mickey. Et pourtant, en janvier 32... ils sont face à une expérience qu'ils ont beaucoup de mal à expliquer. Alors voilà, pour les initiés, c'est une expérience sur le rayonnement pénétrant de Bud Baker. Bon, bref, on s'en moque. Et Majorana prend connaissance de leurs travaux et de leur explication et va s'exclamer devant public « Stronzi », qui signifie tout simplement « couillon ». Voilà, parce que pour lui, les Curie n'ont pas compris ce qu'ils venaient de découvrir. Ils venaient tout simplement de découvrir le proton neutre, c'est-à-dire le neutron. Le neutron qui, à cette époque, 1932, n'est pas encore connu. Alors, Fermi, qui est le chef de Majorana, lui dit « mais publie ». Et Majorana va refuser. Alors, ça sera un petit peu la constante dans sa vie. C'est qu'il va publier très très peu de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a compris, il estime que c'est pas la peine d'en faire des tonnes et que publier c'est pénible et puis que de toute façon il y en a bien d'autres qui le feront à sa place. D'ailleurs, c'est souvent ce qui va se passer. En l'occurrence, pour le neutron, c'est M. Chadwick, un Anglais, prix Nobel en 1935, qui va démontrer expérimentalement l'existence du neutron. Et du coup, la matière, l'atome se précise. On sait maintenant donc qu'un atome est constitué d'un noyau dans lequel on trouve des protons qui sont chargés positivement et des neutrons qui sont neutres électriquement, autour duquel on trouve, alors non plus sur des orbites bien définies, mais dans des volumes précis qu'on appelle les orbitales atomiques, des électrons chargés négativement. C'est cette même année que Majorana va quand même publier, alors ce ne sera pas sur le neutron, mais il va publier une théorie relativiste des particules de moments intrinsèques arbitraires. Alors c'est un peu chaud, hein, je ne vous cacherai pas que je n'ai pas lu cette théorie, c'est du costaud, c'est du très costaud. Mais ce qu'il cherche à faire avec cette théorie, c'est construire une théorie alternative à celle d'un collègue britannique qui s'appelle Paul Dirac, qui, en 1931, a prédit l'existence de l'antimatière. En fait, Paul Dirac a trouvé une équation qui permet de relier la relativité, grande théorie en vogue, enfin en vogue, pas en vogue, hein, la théorie qui régit l'infiniment grand, et la mécanique quantique, la théorie qui régit l'infiniment petit, tout simplement pour des particules qui vont très vite. Et quand il construit cette équation, il trouve plusieurs solutions, dont l'une a une énergie négative. Et au lieu de dire « ah ben j'ai fait une ânerie, je sais pas, je vais refaire mes calculs », il postule que cette solution d'énergie mécanique pourrait être de l'antimatière. Majorana ne peut pas supporter cette théorie. Pour lui, l'antimatière, c'est une horreur. C'est quelque chose qu'il n'arrivera pas à intégrer. Et donc, il travaille sur une théorie alternative. Et on va en reparler parce que bah, ça va prendre de l'importance, notamment pour la fin de mon dossier, pour parler très égoïstement. En novembre 32, il obtient son doctorat d'état en physique théorique. Puis, en 1933, Fermi le convainc d'aller quelque temps en Allemagne pour rencontrer Heisenberg. Heisenberg, autre grand père de la physique quantique. Alors, il est prix Nobel, je m'aperçois que j'ai pas noté la date à laquelle Heisenberg a eu le prix Nobel, mais il a eu le prix Nobel. Et Thoré va donc aller 6 mois à Leipzig pour rencontrer Heisenberg. Ils vont pas mal s'entendre, ils ont pas mal de choses à se dire, ils jouent aux échecs, dans ces cas-là c'est Thoré qui gagne, et au ping-pong, mais dans ces cas-là c'est Heisenberg qui gagne. Il profite aussi de ce séjour pour aller rendre visite à Niels Bohr, à Copenhague, c'est pas très loin, Allemagne, Pays-Bas, dans l'Institut de physique théorique. Puis il revient en Allemagne en mars 1933, et là la situation commence à se tendre légèrement en Allemagne, hein, enfin même beaucoup, puisque je vous rappelle qu'en janvier 1933, Hitler est élu chancelier. Et pourtant, ça fait aussi partie du mythe Majorana, le physicien italien ne semble pas inquiet outre mesure. Il y a des lettres qu'on a retrouvées qu'il écrit à sa famille dans lesquelles bon, ça n'a pas l'air de le traumatiser plus que ça, cette montée du nazisme en Europe. Voilà, bon, il y a même certaines lettres qui ont fait polémique. Il revient en Allemagne en mars 1933 et c'est à ce moment-là que sa santé commence à se dégrader. Et donc, il va revenir sur Rome le 5 août 1933. Alors, pourquoi sa santé se dégrade ? Il n'y a pas de théorie particulière. On peut juste noter toutefois qu'à la même époque, en 1933 donc, Carl Anderson, un physicien américain qui aura le prix Nobel en 1936, découvre expérimentalement le positron. Et Léa, c'est à toi de jouer. Il y a une magnifique photo d'une trace de positron. Et je crois que la photo qu'on trouve sans problème sur Internet est une photo historique de ce qu'a vu Carl Anderson. Alors, ça paye pas de mine si vous l'avez sous les yeux. Et pourtant, on voit un arc de cercle. Je ne sais pas si vous le voyez, hein, une trace un demi-cercle. Mais ce demi-cercle, il est orienté dans le sens inverse de celui qu'aurait laissé un électron. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un électron positif. Bref, ce serait de l'antimatière. Et ça, c'était donc la découverte expérimentale de l'antimatière. Si vous m'avez suivi, ça vient donc confirmer ou conforter la thèse de Paul Dirac qui avait prédit cette antimatière. Bah, ça y est, on la voit. Et Majorana détestait cette théorie. Alors, est-ce que c'est ça qui va le rendre malade ? Sûrement pas, peut-être pas. En tout cas, c'est un fait. Il est vraiment malade. Donc, il ne va pas retourner à l'Institut de physique de la Via Panisperna. Alors, il souffre, on ne sait pas trop. Il a une gastrite chronique, c'est-à-dire qu'il a toujours mal au ventre. Il se nourrit de pratiquement rien du tout, il boit du lait, il passe paraît-il des journées entières à ne boire que du lait. Ce qui semble plus crédible, c'est qu'il soit tombé en dépression. Une dépression voilà, sévère. Alors je pense pas que c'était diagnostiqué à l'époque, hein. On est en 1933, mais voilà, les gens qui le connaissent bien, qui l'ont étudié, ça semble être la thèse la plus crédible. Donc il s'enferme chez lui. Il reçoit plus personne. Il demande à sa mère de refuser toutes les visites. Il renvoie les lettres qu'on lui écrit en marquant, tenez-vous bien, rejeté, destinataire décédé. Voilà, donc il est vraiment au fond du gouffre. Et pourtant, c'est à cette époque qu'il est sollicité par les meilleures facultés du monde parce que sa renommée est déjà devenue immense. Voilà, c'est peut-être pas sorti, voilà, peut-être pas fait ressortir tant que ça dans mon exposé, mais il a déjà acquis une stature internationale. Mais hélas, il est dans sa chambre, il ne mange plus. En 1934, son père, qui était atteint d'un cancer, meurt. Et là, c'est vraiment la chute, il se néglige, il se laisse pousser la barbe, il ne se lave plus, il mange presque plus. Bref, il s'enferme dans sa chambre, tout simplement, où il va rester pendant presque 3 ans. 3 ans où plus personne n'aura de nouvelles d'Ettore Majorana, à part sa mère qui lui apporte tant bien mal que mal une part de tarte, un petit peu de verre de lait pour qu'il subsiste. Il y a quelques lettres avec son oncle Quirino, le scientifique, souvenez-vous, qui enseigne à l'université de Bologne, qui témoigne qu'il n'est pas mort et qui s'intéresse quand même à la science. Hein. Il s'intéresse à la science, mais voilà, on ne le voit plus. En 1936, il voit le bout du tunnel. Il sort la tête de l'eau. Alors, comment? Bah, je sais pas. Voilà, la nature fait qu'il doit peut-être sortir de la dépression, si c'était une dépression qui l'affectait. Et du coup, eh bien, il le fait savoir. Il revient au monde et il dit à ses amis, ça y est, j'ai envie de nouveau de faire de la physique. Et il postule à l'une des 3 chaires de physique théorique que l'Académie des sciences italienne a décidé d'ouvrir. Alors pour l'occasion, il reprend des vieux travaux qu'il avait réalisés à Leipzig quand il avait été voir Heisenberg et il publie la théorie symétrique de l'électron et du positron dont nous allons reparler très très vite. Alors il y a toute une histoire autour du retour de Majorana. Il se serait soi-disant effacé pour laisser son ami Gentile obtenir un poste à une université, mais donc on voulait tellement que Majorana revienne. Il est très célèbre, je le répète, en Italie, très très connu, très célèbre. On lui crée une chaire spéciale de physique théorique à l'université de Naples et il l'accepte et il va donc commencer à enseigner la physique théorique à l'université de Naples. Alors, commencer à enseigner, c'est un bien grand mot, il y met vraiment du cœur, hein. Il met vraiment du cœur, il travaille ses cours, il met du sien, seulement il n'y a que 5 élèves dans son cours parce que c'est d'un niveau stratosphérique. Il n'y en a que 5 qui arrivent à s'accrocher tant bien que mal. Et pourtant, il essaye, hein, il n'est pas hautain, il n'est pas prétentieux, il essaye de réexpliquer, mais il est trop fort. Il est trop fort. On peut noter un fait troublant qui va annoncer ce que je vais vous dire et ce qui va se passer l'année suivante. 15 jours après avoir pris ses fonctions à l'université de Naples, il va croiser Giuseppe Occhialini, qui est un autre physicien italien qui bossait au Brésil et qui était revenu à Naples pour une conférence. Le Occhialini en question est tellement content de voir Majorana, c'est une star Majorana dans la physique, c'est une star. Donc il se jette sur lui dans le couloir, oh, je suis tellement content de vous serrer la main. Et là Majorana lui prend la main, le regarde un peu hiératique et lui dit, vraiment tel quel, vous arrivez à temps, si vous étiez venu plus tard, vous ne m'auriez plus trouvé, car il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font. Il lâche la main, il s'en va. Occhialini n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Mais en 1938, ça va peut-être éclairer son geste. Le 26 mars 1938, Majorana prend le ferry pour Palerme. Juste avant d'embarquer, il va poster une lettre pour son ami Carelli, qui est le directeur de l'Institut de physique de Naples. Et cette lettre a été retrouvée, hein, puisque c'est Carelli qui était en sa possession. Elle est maintenant aux archives à Pise. Et cette lettre, je vous la lis, parce que voilà, je pense qu'Eléa, tu peux la mettre sur la chatroom. Je crois que c'est celle-ci, il me semble. Ou c'est peut-être la prochaine, je ne sais plus. Enfin, tu peux la mettre parce que je vais lire les 3. La première dit ceci. Cher Carelli, j'ai pris une décision qui était désormais inévitable. Il n'y a pas en elle la moindre trace d'égoïsme, mais je me rends compte des ennuis que ma disparition soudaine pourra causer à toi et aux étudiants. C'est pourquoi je te prie de me pardonner, et surtout pour avoir déçu toute la confiance, la sincère amitié et la sympathie que tu m'as montrée au long de ces mois. Je te prie aussi de me rappeler au bon souvenir de ceux que j'ai appris à connaître et à apprécier dans ton institut, en particulier à Ciuti. D'entre tous, je conserverai un affectueux souvenir, au moins jusqu'à 11 heures ce soir, et, si cela est possible, même après. Voilà, bon, cette lettre, elle est quand même sacrément parlante, hein, pour le coup, elle fait un petit peu froid dans le dos, voilà, bon, et puis si c'était pas suffisamment clair, et j'ai envie de dire, il a laissé aussi un petit mot dans la chambre qu'il occupait à Palerme, à l'intention de sa famille, et ce petit mot dit, pareil, hein, on l'a retrouvé, hein, voilà, c'est exactement les mots de Majorana. Je n'ai qu'un seul désir, que vous ne vous vêtiez pas de noir. Si vous voulez vous plier à l'usage, portez, mais pas plus de 3 jours durant, quelques signes de deuil. Ensuite, si vous le pouvez, gardez-moi dans votre cœur et pardonnez-moi. Bon, je crois que, enfin, je crois, tout le monde croit que ça, c'est un petit peu une lettre, voilà, qui annonce son suicide. Bon, il embarque sur le ferry après avoir posé ces deux lettres, mais. Malgré ces deux annonces quand même très sombres, très noires, il débarque à Palerme. Il descend du ferry, on l'a vu. Alors, on l'a vu, on sait qu'il est descendu à Palerme parce qu'à Palerme, il poste un télégramme de nouveau à Carelli, le directeur de l'Institut de physique, et ce télégramme dit ceci. « Cher Carelli, j'espère que mon télégramme et ma lettre te seront parvenus ensemble. La mère m'a refusé et je viendrai demain à l'hôtel Bologna en voyageant peut-être sur le même bateau que ce mot. » J'ai cependant l'intention de renoncer à l'enseignement. Ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, car mon cas est différent. Je suis à ta disposition pour des détails ultérieurs. Donc, ça participe vraiment, vraiment au mystère Majorana. Voilà, la mère m'a refusé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par une jeune fille d'Ibsen ? Ah, je suis d'Ibsen. Tu vois, j'ai préparé mes notes parce que je me suis dit que tu allais me demander ça. Bah, Ibsen, c'est un auteur. C'est un auteur de théâtre, Ibsen. Ouais. C'est qui écrit des trucs avec des gens qui vont pas bien. C'est apparenté à ça peut faire penser à du Tchekhov un peu. C'est avec un côté plus critique de la société, un peu plus. C'est noir. C'est assez noir, ouais, ouais. Ibsen, ça va pas bien, ouais. effectivement, ça va pas top. Il est norvégien, Ibsen. Et en fait, je pense qu'il fait référence à une maison de poupée qui est sa pièce la plus célèbre. Et dans une maison de poupée, il y a une femme, voilà, c'est un peu glauque, mais surtout, elle prend en main son destin. Elle va vraiment prendre en main son destin. Alors, c'est ça qu'il dit, ne me prends pas pour une jeune fille d'Ibsen, je vais. Enfin, bon, voilà. En tout cas, c'est sombre. Bref, c'est un peu. Il était fan, hein. Il était fan de Ibsen. Voilà. Bon, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'est pas mort. Enfin, en tout cas, voilà, il poste ce télégramme. En tout cas, il est vivant, ouais. Il est vivant, il a été enregistré. Alors, c'est un physicien quantique, hein. C'est le chat Schrödinger en physicien, quoi. Il est mort et vivant à ce moment-là, mais il reprend donc le ferry. Et là, moi j'adore. Là, j'adore en tant qu'écrivain de romans policiers parce qu'il reprend le ferry pour aller à Naples, mais il ne descendra jamais du bateau. Alors, il ne descend pas du bateau. Il monte sur le bateau. On sait qu'il est monté sur le bateau. On a le gars où il a acheté son billet pour revenir. Il envoie ce télégramme à Carelli. Il monte sur ce ferry qui repart à Naples. Il ne descend pas à Naples. Il n'est pas sur le bateau. Alors, bien évidemment, on se dit, ça y est, cette fois-ci, la mère ne l'a pas refusé. Sauf que, en Italie, tellement célèbre, il faut savoir qu'il y a des expériences qui ont été tentées dans le golfe de Naples, où on a jeté des mannequins lestés comme l'aurait pu l'être Majorana, et ces mannequins sont toujours revenus sur les côtes grâce au courant. Le corps de Majorana n'est jamais revenu sur les côtes. Il y a d'autres choses qui sont très troublantes. Plus tard, on a découvert qu'il avait pris son passeport, Majorana, et puis qu'il avait vidé son compte en banque avant de prendre le ferry. Voilà, il l'avait dit à personne. Enfin, si, il l'avait dit à son frère. Il avait dit « j'ai besoin d'argent pour acheter un truc ». Son frère, voilà, mais ça, on ne savait pas. Sa famille va lancer des recherches après sa disparition. Et Léa, je crois qu'il y a un petit article de journal qui s'appelle « Qui est Caloe Visto ?» Un truc comme ça. Je crois que je te l'avoir mis. Oui. Non, tu le vois ou pas? C'est bon. Voilà, et voilà, donc elle fait paraître des articles de journaux, elle fait paraître des articles dans le journal pour dire qui a vu mon fils, c'est sa mère, hein, qui parle, qui a vu mon fils. Elle s'adresse au Vatican pour lui dire est-ce que vous auriez vu mon fils, parce que des témoins l'auraient vu frapper aux portes d'un couvent, Majorana. Il y a un prêtre qui fait des demi-révélations disant qu'il aurait reçu un jeune homme agité dans cette soirée-là, qui voulait, mais qui lui a refusé. Bref, il y a plein de trucs un peu, j'ose le terme, chelou, autour de sa mort, qui font un petit peu sa légende. Ajouté à ça, et alors là, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau, son livre de chevet à Majorana était un livre de Pirandello qui s'appelle Feu Mathias Pascal. C'est une des phrases du héros de Pianello que j'ai choisi pour Côte. Vous l'avez vu ou pas? On ne va pas la dévoiler maintenant. Ah d'accord, ok. Je laisse aux auditeurs le soin de la découvrir, parce que vous verrez comme ça résonne avec la vie de Majorana, et c'était un de ses bouquins favoris. Bref. Voilà, Majorana meurt donc en mars 1938, à l'âge de 31 ans. Alors, meurt, c'est la thèse quand même, voilà, la plus courue. Maintenant, sachez qu'en Italie, par exemple, il y a un livre qui a fait énormément polémique, un livre de Leonardo Ciaccia qui s'appelle « La disparition de Majorana », dans lequel, eh bien, Ciaccia affirme avoir rencontré Majorana en Argentine, où il aurait refait sa vie, et voilà, loin de l'Italie. Simplement, ce livre a fait polémique parce que il n'apporte aucune preuve concrète de cette existence de Majorana en Argentine. Donc, la version officielle, celle qui figure sur la plaque au bas de son immeuble, c'est que il a disparu en 1938. Alors, voilà pour sa vie. Alors, vous voyez qu'elle est... On ne peut plus romanesque, quand même. Moi, je pense qu'il a refait sa vie en Argentine. Ouais. D'accord. C'est logique, je veux dire, il ne pouvait pas faire de la physique toute sa vie, c'est trop chiant. Non mais puis pourquoi il avait besoin d'argent, surtout? Chacun défendra leur envie. La physique trop chiante, je suis moyen d'accord. ça c'est vrai. Rejoindre l'Argentine à la nage, parce que je vous rappelle qu'il n'est pas descendu du bateau, ça veut dire qu'il a plongé puis qu'il a nagé. Il avait des complices, c'était pour ça l'argent. Il avait des complices dans l'équipage. Une petite barque qu'il attendait en bas du ferry. Et je sais pas. Un hydravion comme dans son pain, quoi. il a pu descendre ce ferry et qu'on ne l'ait pas vu quand même. Personne ne vérifie qui descend du ferry exactement, non? Peut-être, je sais. Oui, après, c'est le mystère Majorana, parce que c'est vraiment mystérieux. C'est cette disparition, elle est encore le fruit de gens qui écrivent des bouquins, comme moi, par exemple, dessus. Elle est assez mystérieuse. Alors, il n'y a pas une histoire de nana, quelque part, quand même? Ah, ça c'est le romancier qui parle. C'est le romancier et son imagination. Rien du tout. D'accord. Voilà, ça c'est. Tu auras noté qu'à la fin du livre, je précise ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Oui. J'ai vu, mais j'ai inventé des trucs pour en faire un vrai roman. Voilà, il y a des choses qui sont sorties de mon cerveau uniquement. Voilà, c'est tout quoi. Bon, est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi alors ces travaux, parce que je les ai juste légèrement abordés, mais pourquoi maintenant tout le monde s'y intéresse? Oui, bien sûr. Je continue. Oui. Voilà, parce qu'en fait, j'avais un peu coupé ma présentation en deux. Là, je vous ai fait la biographie de Majorana, et maintenant, voyons pourquoi Majorana commence à devenir à la mode en physique. On a vu donc depuis 1905, et la preuve de l'existence des atomes par Albert Einstein, on peut le dire, les physiciens n'ont pas chômé et ont enrichi le bestiaire, on peut appeler ça comme ça, du modèle standard avec un panel de nouvelles particules, on construit un modèle qui, à l'heure actuelle, n'a pas encore été pris en défaut. Alors, ce modèle, Eléa, tu peux peut-être mettre le tableau qui le résume, parce qu'il est un peu complexe, je vous le fais un peu facile. On trouve trois familles de fermions dans les particules élémentaires. Chaque famille de fermions contient deux quarks et deux leptons. Ça commence à être un peu technique. Sachez que la première famille de fermions, donc, constitue ce que l'on appelle la matière ordinaire et que l'on connaît et que l'on apprend au lycée. C'est-à-dire qu'on a deux quarks, les quarks up et down, qui sont les constituants des protons et des neutrons. Ça y est, on revient à ce que l'on connaît. Et puis, dans cette famille, on a aussi les électrons, qui tournent autour du noyau. Enfin, qui tournent, vous savez que ce n'est pas tout à fait ça. Voilà. Et puis, on trouve aussi dans cette première famille le neutrino électronique. Alors, ce neutrino électronique, Pauli l'avait prédit, s'échappe chaque fois qu'on assiste à une désintégration bêta. Donc, ce modèle standard, il est très costaud. Il y a un sacré petit paquet de particules auxquelles il faut rajouter les bosons. Alors les bosons, c'est ce qui permet les interactions entre ces particules. Je ne vais pas tous les citer parce que c'est un peu technique, mais y figure par exemple le célèbre boson de Higgs. Alors pourquoi célèbre? Parce qu'on en a énormément entendu parler. Alors c'était déjà en 2012, hein, finalement. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, c'était en 2012. Il a été mis en évidence expérimentalement au LHC, au CERN. Voilà. Donc, les physiciens, depuis 1905, voilà, ils n'ont vraiment pas chômé. Ils ont construit cet énorme tableau avec toutes les particules élémentaires présentes dans l'univers. Et ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas de truc qui vient le contredire. Il faut toutefois penser à ajouter à ce tableau le même avec l'antimatière. Parce que l'antimatière, hélas pour Majorana, a fini par convaincre son monde. Sachez, si vous allez au CERN, il y a un truc qui est extraordinaire, c'est de voir l'accélérateur de particules qui crée de l'antimatière. Ça m'a hyper fasciné, c'est-à-dire qu'ils font des anti-atomes. Et on sait faire des anti-atomes d'hydrogène avec un antiproton et un anti-électron qui tournent autour. Et on arrive à les garder quelques, des millisecondes, peut-être des nanosecondes, mais on fabrique de l'antimatière. C'est assez fou. Alors, n'allez pas voir le truc comme dans le film tout pourri, là, de machin, là, hein, celui qui a fait Da Vinci Code, là. Alors ça, bon, l'antimatière dans un petit bocal en verre, les comme Arcy qui se le trimballe dans le Vatican, merci bien. Mais oui, l'antimatière, voilà, ça existe. Bon, voilà. Ce modèle étant là, tout le monde ne travaille quand même pas sur le modèle standard. Et puis il y a des gens qui travaillent sur autre chose. Et sur les gens qui travaillent sur autre chose, il y a un certain Fritz Zwicky, qui est un physicien suisse assez cocasse, c'était un peu un personnage un petit peu farfelu, qui en 1933 mesure la vitesse des galaxies qui tournent dans l'amas du coma. Alors l'amas du coma, c'est un amas de galaxies dans lequel se trouve la nôtre. Et ce fameux Zwicky, il calcule que la gravité qu'exerce la matière visible ne peut pas compenser la force centrifuge qui s'exerce sur ces galaxies. C'est-à-dire que les galaxies qui sont au bord de l'amas du coma tournent tellement vite que normalement, elles devraient gicler de l'amas du coma comme une pierre gicle d'une fronde. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas assez de matière, donc il n'y a pas assez de gravité pour les retenir. Alors, sur le coup, il y a deux façons d'expliquer ce délire. C'est où on s'est planté sur les lois qui régissent la gravité. Donc on dit, désolé Einstein, mais ça marche pas. Ça marche pas ton truc, là il y a des galaxies, elles devraient pas être là, elles sont là. Désolé monsieur Newton, mais c'est pas possible. Soit, alors ça c'est ce qu'on appelle le modèle législatif, on remet en cause les lois, soit on penche plutôt vers le modèle ontologique, c'est-à-dire que ça marche parce que on voit pas tout. Et que dans cet amas du coma, il y a bien la matière nécessaire pour tenir les galaxies du bord de l'amas par la force de gravité. Mais on ne la voit pas, cette matière. C'est une matière invisible. Alors figurez-vous que Zwicky, qui, c'était une intuition, c'était un truc auquel il a pensé, qu'il a énoncé. Beaucoup de gens ont travaillé dessus et maintenant c'est acquis. Oui, il y a de la matière que l'on ne voit pas, la fameuse matière noire. Alors c'est même assez hallucinant. Et au passage, je fais un petit clin d'œil, un petit salut amical à Johan, parce que c'est lui qui a corrigé mon dossier, et il m'avait corrigé à ce moment-là, et il avait tout à fait raison. La matière telle qu'on la connaît, c'est-à-dire régie par le modèle standard, entendons-nous bien, donc votre table, nous, la chaise, les plantes, en fait, ça ne représente que 4 à 5% de la densité de matière de l'univers, c'est-à-dire 1/6 de la matière. Ce qui veut donc dire que 5/6 de la matière, c'est de la matière et de l'énergie noire, que l'on ne voit pas. Wow. C'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Alors, que vient faire Majorana dans ce délire? S'il y a une matière qu'on ne voit pas, il faut quand même qu'elle soit faite avec quelque chose. Or, en 1937, je reviens à la Teoria Simmetrica dell'Elettrone e del Positrone, qui a été écrite par Majorana, qui n'arrivait pas à se convaincre de l'existence de cette foutue antimatière. Et dans cette théorie, il arrive à la conclusion que les fermions neutres, accrochez-vous, pourraient être leurs propres antiparticules. Et il détestait l'antimatière, et donc lui, il trouve une théorie dans laquelle, en fait, les fermions neutres, comme par exemple les neutrinos, pourraient être de la matière et de l'antimatière simultanément. C'est-à-dire qu'en fait, il annihile cette bizarrerie d'antimatière qu'il détestait. Vous voyez le truc? Ce neutrino pourrait être le constituant de cette fameuse matière noire que l'on ne voit pas. Alors pourquoi ? Pourquoi ? À la naissance de l'univers, les neutrinos ont été produits, comme les photons, comme les, tout le reste, mais les neutrinos n'interagissent pratiquement pas avec la matière. Contrairement aux photons, les photons interagissent très très bien avec la matière. Donc les photons ont eu du mal à s'échapper de l'univers primordial, ce qui n'a pas du tout été le cas des neutrinos, qui eux n'interagissent pas avec la matière, donc ils ont filé ces neutrinos. D'accord ? Et ils sont partis aux confins de l'univers. Donc ça pourrait peut-être être un des composants de cette masse invisible. Le problème, c'est que il y a un principe du modèle standard qui affirme que quand de la matière rencontre de l'antimatière, ça donne de l'énergie, et donc ça annihile les deux particules. Or, à la création de l'univers, les neutrinos ont été produits en quantité quasiment égale avec les antineutrinos. Donc normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que oui, ils interagissent pas avec la matière, mais matière plus antimatière, bim, il n'aurait pas dû avoir autant de neutrinos que ça. Sauf si le neutrino est de Majorana. Parce que si le neutrino est de Majorana, il n'est pas ni matière ni antimatière, donc il peut s'en aller. Il peut donc s'accumuler et il pourrait peut-être être un candidat plus que crédible à la matière noire. C'était clair ? Ah mais carrément. Mais il y a quand même de l'antimatière de toute façon. C'est-à-dire que tant pis pour lui, je veux dire. L'antimatière, il a perdu quand même. Il a perdu quand même, parce que sa théorie, effectivement, ne se concentre que sur les fermions neutres. Et le truc, juste le truc qui me chiffonne là-dedans, c'est que malgré tout, si c'est sa propre antimatière, ça voudrait dire que quand deux neutrinos se rencontrent, ils s'annihilent. Oui. Donc, j'en reparle dans 5 minutes. Si on a plein. Ouais, d'accord. T'as flairé le truc. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où il n'y a que des neutrinos et que deux neutrinos qui se rencontrent s'annihilent, j'ai un petit problème. Alors, ça fait de l'énergie, peut-être, après. Voilà. Et ouais, c'est pas. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis une brêle en physique, hein, donc vas-y, j'attends. J'attends la suite. Si t'en parles pour la suite, j'attends. Non, t'as une très belle intuition, tu vas voir pourquoi. Si le neutrino est de Majorana et qu'il constitue la matière noire, on a envie de le montrer expérimentalement. Hein. C'est comme ça que les physiciens fonctionnent. Il y a une théorie et puis maintenant, il faut essayer d'en apporter la preuve expérimentale. Alors, quelles sont les expériences qui traquent les neutrinos ? Alors, c'est chaud pour plusieurs raisons. La première, on lit très souvent, voilà, dans les articles de journaux et machin, que chaque seconde, vous avez 1000 milliards de neutrinos qui vous traversent le corps. 1000 milliards de neutrinos. Ils viennent essentiellement du Soleil. Il y en a aussi qui sont fabriqués par les centrales nucléaires. Bon, bref, il y a un flux de neutrinos incessant, voilà, qui traverse la matière comme si elle n'était pas là. Si on voulait les arrêter, et notamment si on voulait en arrêter uniquement la moitié, tenez-vous bien, il faudrait construire un écran en plomb qui serait épais d'une année-lumière. Une année-lumière, c'est 9,46 × 10^12 km pour arrêter la moitié du flux de neutrinos. En fait, le neutrino ne réagit pratiquement pas avec la matière. C'est super chaud à détecter. Donc, c'est pour ça que ça pourrait éventuellement être cette matière noire, parce que c'est hyper galère à détecter. D'ailleurs, ils ont été pressenti en 1930 par Pauli dans cette lettre assez amusante que je vous engage à aller voir. Mais ils ont été mis en évidence expérimentalement que 26 ans plus tard, et je pense que vous l'avez compris, c'est une détermination qui est indirecte. On ne peut pas voir le neutrino, il va falloir trouver des astuces pour s'assurer du passage d'un neutrino. Alors, il y a quelques expériences qui sont très célèbres avec de très jolies photos. Je crois, Eléa, que j'en ai mis une de Super Kamiokande, qui est une expérience située au Japon, dans une mine, en dessous d'une montagne. En fait, c'est un immense réservoir d'eau pure, dans lequel, quand un neutrino le traverse, il peut éventuellement, sur la quantité de neutrinos qui passent, réagir avec un nucléon de l'atome d'oxygène, qui est contenu dans l'eau, et il va donner naissance à une particule qui va aller plus vite que la lumière. Alors, plus vite que la lumière, ça vous fait pas, non ? Si, ça vous fait. Ah, oui. Alors, si, on peut. Pas interrompre, mais si, c'est n'importe qui. N'importe qui l'a invité, celui-là. Alors, on peut sans problème aller plus vite que la lumière. On peut sans problème aller plus vite que la lumière, mais pas dans le vide. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière dans le vide est indépassable, hein, 299 752 458 mètres par seconde. On ne peut pas aller, voilà, c'est une vitesse indépassable, mais la lumière, elle freine quand elle rentre dans un milieu. Ah. Elle freine même pas mal. C'est, je vous renvoie à vos cours de lycée, de seconde, l'indice de réfraction vous donnera sans aucun problème le coefficient duquel freinera la lumière quand elle va rentrer dans, la lumière, dans un milieu transparent. Donc on peut aller, il y a des particules qui peuvent aller plus vite que la lumière dans l'eau. Et alors ce qui est fou, c'est que si une particule va plus vite que la lumière, elle émet toujours un petit cône de lumière qui s'appelle l'effet Cherenkov. Tout le temps, un petit cône de lumière bleue. Une particule allant plus vite que la lumière dans un milieu émet elle aussi un petit cône de lumière, on appelle ça l'effet Cherenkov, et c'est celui-là qu'on détecte. C'est celui-là qu'on détecte avec des petites photos, photodiodes, si on veut, voilà, photoresistance un peu plus. Non, mais attends, le mec, il est dans une mine au Japon, en dessous d'une montagne, et il photographie un cône de lumière bleu qui va plus vite que la lumière. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, et ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé. Non, putain. Ça veut dire qu'il y a un neutrino qui est passé. J'ai toujours dit que les physiciens se la pétaient vraiment beaucoup trop. Oui, et puis, somme toute, l'Argentine, ça reste mieux. Hein. Mais il y a ce site, il y a Toulon aussi, il y a une magnifique expérience qui s'appelle Antares, et c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir une super méga piscine, et ben on a pris la mer Méditerranée, et on attend que des neutrinos qui traversent la mer Méditerranée génèrent une particule qui va plus vite que la lumière, qui donc va générer un petit cône de Cherenkov, et on va le capter. Alors c'est marrant, Antares, c'est des espèces de fils avec des yeux. C'est des gros yeux. J'en ai vu un l'autre jour sorti là. Ça fait à peu près un mètre de diamètre. C'est vraiment comme un œil tout rond. Et ça cherche ces petits cônes de lumière. Non, c'est une blague. Et en fait, il y a plein de câbles comme ça qui sont assez gros. Hein. Ça doit faire un kilomètre. C'est dans l'eau, au large de Toulon. Et voilà, au large de Toulon. C'est pas au large de Toulon, ouais. Antares. Et alors, du coup, les bateaux, ils doivent dévier. Ils doivent... Mais parce que c'est quand même profond. Ouais, c'est profond, il n'y a pas une petite bouée, tu sais, jaune au sommet pour savoir où c'est, je pense. Et c'est relié avec un Bluetooth ou comment il... Il doit y avoir un câble qui revient jusqu'à la côte. Enfin, j'en suis même sûr, en fait. Il y a un câble qui revient jusqu'à la côte. Enfin, voilà. Comment il détecte un cône de lumière bleue? Là, j'avoue que ça me... je comprends pas. On a affaire à des photomultiplicateurs qui doivent être d'une sensibilité, je te dis pas quoi. Hein. Ah. Ça doit être immergé suffisamment profondément. Et d'ailleurs, je parle voilà, au conditionnel et en même temps, j'en suis quasi sûr, c'est que c'est immergé là où il y a plus de lumière, du soleil qui rentre. C'est le noir total. Et donc, un petit cône de lumière avec des super photomultiplicateurs, on le chope quoi. On l'attrape. Waouh! Voilà. Ouais. Alors, il y en a un autre aussi comme ça qui s'appelle Ice Cube qui est dans l'Antarctique. Et lui, c'est une espèce de gros cube. Il est impressionnant. Il fait 1 km cube de volume. Et lui aussi, il est chargé de détecter les neutrinos comme ça qui viennent. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, détecter un neutrino, c'est chaud. C'est très, très chaud. Mais alors, un neutrino de Majorana. Alors là, attention. Un neutrino de Majorana. Alors là, c'est. Accrochez-vous. Voilà ce que font les scientifiques pour essayer de déterminer ou de choper un neutrino de Majorana. Ils travaillent sur ce qu'on appelle la double désintégration bêta. Vous voyez la désintégration bêta ? Non, moi je me souviens plus ce que c'est. Alors, désintégration bêta, vous prenez un atome qui est radioactif. Et ce noyau radioactif va transformer un de ses protons en neutron en émettant un électron et un antineutrino. Ouais. Voilà. Il a un surplus de protons, il ne se sent pas à l'aise, donc voilà, la radioactivité bêta, c'est je transforme un proton en neutron, j'émets un électron pour respecter voilà, la conservation de l'énergie et de la masse et de la charge, et un antineutrino. Ça, c'est une désintégration bêta. Bon, il se trouve que dans certains atomes radioactifs, la simple désintégration bêta n'est pas permise. Alors là, par contre, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ne les maîtrise pas, mais pour certains noyaux très rares, deux désintégrations bêta simultanées, c'est jouable. C'est-à-dire que voilà, c'est permis, c'est-à-dire qu'ils vont non pas faire une seule désintégration bêta, mais en faire deux simultanément. C'est-à-dire émettre deux électrons et deux neutrinos. Vous voyez où je veux en venir ? Ouais. Deux neutrinos. Si le neutrino est de Majorana, et du coup, l'intuition précédente était très bonne. Il est susceptible de Robin. Il est susceptible de s'annihiler ensemble. C'est-à-dire que comme ils sont en même temps matière et antimatière, eh ben, ils peuvent s'annihiler. Et donc, on observerait une double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Ah. Vous voyez le truc ? Waouh ! Ouais. Alors, sachez que ce phénomène, il existe, hein. Il existe, il est hyper rare. Il est vraiment super, super rare. On est dans des statistiques, des probabilités qui sont mais giga infimes. C'est des milliardièmes, de milliardièmes, de milliardièmes de chances que ça arrive, mais ça arrive, ça existe, ça existe. Donc en fait, eh bien, les physiciens essayent de traquer cette double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Alors, il y a une expérience qui s'appelle NEMO, pour Neutrino Ettore Majorana Observatory, qui est dans un laboratoire souterrain à Modane, dans un ancien tunnel routier, et qui va traquer cette double désintégration bêta. Il y a eu 3 expériences, NEMO 1, NEMO 2 qui étaient expérimentales, NEMO 3. NEMO 3 a fonctionné pendant 8 ans, de 2003 à 2011, et a enregistré 1 million de doubles désintégrations bêta. Donc vous voyez, voilà, le phénomène est très rare, mais on arrive quand même à en choper. Hélas, il n'en a chopé aucune sur ces 1 million sans neutrinos. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, on n'a pas réussi à mettre en évidence une double désintégration sans émission de neutrinos. Mais il faut croire que c'est porteur et que les gens y croient, parce que NEMO 3 a arrêté de fonctionner en 2011, et dans la foulée, ils ont construit Super NEMO, qui devrait rentrer en service dans très peu de temps, qui a une précision qui est bien meilleure, qui a diminué le bruit de fond, c'est-à-dire qu'il traque toujours cette double désintégration bêta sans neutrinos. Incroyable. Les scientifiques y croient. Ils croient vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Question idiote, comme ça, s'il le détecte jamais, il se passe quoi ? Ça veut dire que Majorana avait tort ? Ben oui, je pense qu'au bout d'un moment, ils se font l'idée. Oui, je pense. Je pense. Après, le boson de Higgs, il est prédit, j'ai pas la date exacte hein, en tête, je crois que c'est dans les années 50, il est mis en évidence en 2012. Mm. Et ouais, donc 72 ans après, 62 ans après avoir été prédit. Donc voilà, Majorana, on se penche sur son neutrino de Majorana depuis finalement très peu de temps par rapport à ça. Donc je pense qu'ils vont quand même s'accrocher encore pendant un petit moment. Mais effectivement, s'ils ne venaient à pas le mettre en évidence, ben, c'est peut-être que la théorie de Majorana est fausse. Peut-être. Voilà. Enfin bon. Voilà. Wow. Parce que du coup, ils essayent... Enfin, c'est très bizarre la démarche des physiciens. C'est complètement l'inverse d'une démarche de biologiste où on essayerait de prouver que quelque chose est faux. Là, on essaye de chercher que c'est vrai en construisant la machine qui va permettre de donner... une désintégration de la façon dont on la veut. Ben oui, alors c'est pas toutes les expériences de physique qui se construisent sur ce modèle-là, mais là en l'occurrence, oui, c'est un truc vraiment très spécifique. C'est vrai qu'il traque ce neutrino, quoi. Il le traque. Hein. Mais ceci étant, vous savez que le boson de Higgs, ils l'ont traqué aussi quand même pas mal. Hein. Le LHC a un peu été construit pour ça. Enfin, un peu, voilà, on monte en puissance. C'est lui hein, qui voulait attraper. Hein. Ils voulaient le faire sortir du vide, hein, parce qu'ils l'ont fait sortir du vide hein, en faisant des collisions, voilà, avec une énergie fabuleuse. Donc ils ont fini par force d'opiniâtreté à sortir de sa tanière le boson de Higgs. Donc ça se trouve pour le neutrino de Majorana, ce sera peut-être la même. Hein, ça sera peut-être la même. Et ça serait, enfin, en même temps, c'est cohérent dans le sens que bah, cette matière noire, on sait qu'elle existe, hein, on sait, voilà, c'est sûr, hein, elle est là, hein, mais on la voit pas. Ouais. Donc à la rigueur, ça serait cohérent. Voilà, c'est un truc qui est hyper difficile à voir. Donc, si c'est ça, voilà, bingo, quoi. Ouais. Bingo. Voilà. Ouais. Alors, je conclue là-dessus. j'avais fait une belle conclusion que je vous livre, voilà, in extenso. Majorana, donc, a laissé très peu de publications officielles. Hein, et pourtant, il commence à laisser son nom de partout dans la physique. Alors, je me suis amusé à aller un petit peu faire la liste de ce que l'on trouve autour de Majorana sur Internet. Et j'ai trouvé l'effet Majorana-Brossel, la force de Majorana, l'équation de Majorana, le champ de Majorana, les transformations de Majorana, l'AGEP de Majorana, la sphère de Majorana, le neutrino de Majorana, les fermions de Majorana, et j'aime beaucoup ce dernier terme-là, les fermions de Majorana, parce que fermion, c'est en hommage à Fermi, Majorana, bien sûr, Majorana, donc les deux, on peut dire, les deux plus grands scientifiques italiens du siècle dernier. Et justement, je vais laisser le dernier mot à Fermi, Enrico Fermi, c'est un immense physicien, Enrico Fermi aussi, il ne faut pas l'oublier, qui a déclaré ceci: il y a plusieurs catégories de scientifiques, ceux qui font de leur mieux, et ceux de premier plan qui font des découvertes importantes. Et puis, il y a des génies, comme Galilée et Newton, et Thoré était de cela. Ben, voilà quoi. Waouh. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Parce que Fermi, c'est pareil, hein. Fermi, c'est quand même un très, très bon, quoi. Ouais. Voilà, donc, voilà. La vie de Maillard. C'est impressionnant, hein. Ça donne un peu la chair de poule, je trouve. Ah bon? Ben oui, oui, parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est ouais, je sais pas, c'est grandiose, quoi. Et puis cette disparition mystérieuse qui, ouais, du coup, ça donne envie de savoir ce qui s'est passé, quoi. Ah oui, oui, mais ça, c'est, mais on ne saura sûrement jamais, hein. Probablement jamais. Ou alors, vous allez lire le livre de Niels. Ah, bah, c'est une autre option. Vous aurez au moins une piste. Au moins, vous aurez une piste. Je ne sais pas si elle est la bonne, mais effectivement, oui, oui. Voilà, c'est ça aussi le délire du romancier, c'est de d'attraper le réel et puis après un peu de le distordre pour essayer d'inventer une histoire, quoi. Essayer d'inventer une histoire. Donc, d'ailleurs, du coup, bah, ça me donne une transition hyper facile. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre, en fait ? Eh bien, comme beaucoup, en fait, Majorana, je ne connaissais pas. Et un jour, j'écoute une émission de radio avec Étienne Klein, La Conversation Scientifique. Alors, à l'époque, d'ailleurs, ça ne s'appelait pas La Conversation Scientifique, je crois. Et dans lequel il évoque ce scientifique italien, comme ça. Et puis, peu de temps après, il a sorti un bouquin qui s'appelle, je vous le recommande aussi d'ailleurs, En cherchant Majorana. J'ai lu ce truc et puis j'étais, j'espère un petit peu comme vous, surpris, subjugué par l'histoire de ce scientifique, quoi. Elle est hors norme, quoi. Elle est hors norme, donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie d'inventer la suite, quoi. Et du coup, tu vas écrire d'autres livres ? Je vais écrire d'autres livres, mais pas sur Majorana, ça y est, j'ai fait le tour. Ouais. Et puis j'aime beaucoup passer d'un sujet à l'autre, donc là, c'était un petit peu... Ça faisait longtemps que je voulais écrire un roman scientifique, parce que voilà, ma formation fait que voilà, j'aime bien les sciences et je voulais mettre les deux, le roman policier que j'aime beaucoup, voilà, distrayant, avec quelque chose de scientifique. Je l'ai fait, donc je pense pas que je reviendrai sur ce truc, à moins de trouver une autre histoire comme ça. Ouais. C'est extraordinaire, hein, c'est possible. Après, tu peux. Après ça donne une ambiance polar. T'as d'autres vides, d'autres scientifiques qui peuvent te donner d'autres ambiances. Exactement. Tu peux avoir des, ouais. Tu peux avoir des scientifiques qui vont te faire, te permettre une histoire de, enfin, un tour du monde. Des scientifiques qui vont pouvoir te permettre de faire, ouais. Enfin, je pense à, il y en a un dont j'aimerais beaucoup parler sur faire podcast science depuis longtemps. Je sais pas si tu connais un mathématicien qui s'appelait Erdős. Qui est très très connu dans la communauté mathématique et qui est un personnage dans un style très très différent, parce que lui c'est assez drôle, en fait, la vie d'Erdős, c'est, même s'il devait pas aller très bien dans sa tête, mais le début est assez triste. Enfin bon, il y a le 20e siècle là-dedans, donc de toute façon il y a eu quand même des guerres et des gens qui sont morts et tout, mais c'est un personnage complètement hors norme. C'est qu'il avait pas de chez lui, il passait de congrès mathématique en faisant le tour du monde. Enfin, c'est, je pense qu'il y a une matière à un roman de façon assez assez nette aussi, dans un style complètement différent, quoi. Renseigne-toi, il faut le déplacement. Merci. Il voit le déplacement, celui-là, si t'écris un bouquin sur lui, je veux bien. C'est pas le russe là, qui vivait chez sa mère, qui a refusé la médaille Field, non, ça n'a rien à voir. Non, Erdős, au contraire, était quelqu'un de qui est mort il y a nettement plus de temps que ça, et qui est quelqu'un qui était au contraire très très liant. C'est-à-dire que il passait sa vie chez des copains mathématiciens. Il n'avait pas. il était très très liant, mais alors d'une distraction hallucinante avec vraiment des. Donc c'est à lui tout de suite que je pense, parce que je me dis scientifique roman, je me dis putain, Erdős, quoi, pourquoi personne n'a. Je suis sûr qu'il y a déjà fait. Et ça donne pas du tout un polar, tu peux pas faire un polar sur lui, ça t'y prête pas. J'irai voir Erdős, tu écris ça comment, Erdős? Je, R-D-O-S. D'accord. Ah, c'est un Allemand, un truc comme ça ? Un Hongrois, je crois, mais je crois qu'il était apatride. Enfin, ça commence dès le début, le bordel. Dès le début, il est pas de rien. Faudrait que je me renseigne, parce qu'il faut vraiment que je fasse une vision sur lui. Il est hallucinant, quoi. Ben, j'attends ça avec impatience. Mais oui, Robin, quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut que tu fasses une mission sur lui. Hein. Oui, mais bon, ça veut dire qu'il faut que je me renseigne. Là, je connais que Léon Di. Je le connais que de. Enfin, c'est une légende, ce mec, en fait, dans l'histoire des maths du XXe siècle. C'est une légende absolue. Mais bon, je vais pas commencer à en parler, je vais pas commencer à déflorer mon dossier. C'est pas le mathématicien gallois aussi qui avait disparu, non ? Gallois, non, mais c'est un autre. Alors là, oui, tu fais un grand roman romantique là-dessus. Là, il y a de quoi. Il est mort à 20 ans. Ouais. Tu en es les maths, Gallois. Non, mais les mathématiciens qui ont eu des vies incroyables, il y en a pas mal. Ouais. C'est chiant, les mathématiciens, les maths quand même. Autant la physique, on comprend mal, mais les maths. Pas, je pense. C'est vrai qu'on a un peu chié sur les physiciens, c'est vrai. D'accord. Non, en fait, j'ai une autre théorie. Le mec, comme c'était un génie, il s'est dit avant ma mort, il n'y aura jamais rien pour prouver ma théorie. Du coup, je vais faire autre chose. Bah, pour rassurer le fait que je sois une légende, il faut que je disparaisse pour légendaire. Ouais. Bon, après, moi, ma thèse aussi, c'est qu'il était peut-être genre un peu autiste ou un truc comme ça, quoi. Il était quand même tout chelou. Ouais. Hein. Il avait l'air bizarre. Allez, bien quand même, hein, on est d'accord. Et par exemple, j'ai lu en faisant le roman, parce que j'ai lu plein d'autres trucs sur tout ce qui entourait tout ça, Dirac était Asperger. Asperger, oui, Dirac, comme on dit. Ah, il allait pas bien du tout. Ce que j'ai entendu sur Dirac est complètement effrayant. Enfin, ce type. Mais pourtant, il était marié, il avait une femme, des gamins, mais il était Asperger. Il était. J'avais entendu une anecdote sur lui que j'avais trouvé très drôle. Je sais pas si t'as vu ça, mais où en gros il était complètement, oui, il ne voulait parler que pour dire des choses vraies. Exact, c'est vrai. À côté du coup, et de tenter une discussion avec lui. Et apparemment, il y a eu un jour, il a eu un prix, il a eu une remise de prix. Et donc, dîner de gala, à côté, il se retrouve à côté du maire de je ne sais plus quelle grande ville, machin, qui se retrouve à côté de Dirac, qui est au courant que ce type-là est quand même bizarre et tout, et qui ne sait pas trop quoi lui dire et comment aborder la conversation. Et il commence à lui dire un truc du style le temps est à l'orage ce soir, et là, Dirac se lève, va ouvrir la fenêtre, revient s'asseoir, fait oui, monsieur. Apparemment, il n'était pas tout seul dans sa tête. Ouais, mais il y en a une autre aussi où il est dans un train, mais après, c'est pareil. Est-ce que c'est pas apocryphe, ces trucs vraiment. Il est dans un train avec un autre physicien et puis il passe le long d'un champ où il y a des moutons et physicien dit « Oh, regardez, il y a un mouton noir. » Et dans un troupeau de moutons, il dira que le regard du fait, il y a la moitié d'un mouton noir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une blague. Mais alors, cela dit, je me demande si effectivement, il n'y a pas une origine. Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment en tout cas, il avéré. On devrait faire. Moi, je trouve qu'on devrait faire un podcast comme ça sur des scientifiques un peu comme ça. Un peu particuliers. Oui. Mais après, ça entretient l'idée qu'ils sont tous cinglés, alors que non. Non. Ouais. Je me souviens d'un bon podcast sur Tesla. Je sais plus qui l'avait fait. Chez vous, hein. Tesla aussi était un peu. Un peu barré lui. Hein. Ouais. Non, bah oui, mais bon, voilà. Mais cela dit, les gens importants dans l'histoire, quels qu'ils soient. Ils sont souvent barrés, c'est-à-dire que ça soit des artistes ou des scientifiques, c'est pareil, ou des hommes d'État. C'est vrai. Tu commences à croire que t'es quelqu'un d'important, c'est que tu vas pas bien en fait. c'est pas Tesla qui buvait du vin. Ah, ça me rassure. Qui s'est suicidé, je sais pas. Est-ce que Tesla s'est suicidé? Non, je ne sais pas. Non, c'est pas Tesla qui buvait du lait aussi souvent. Ah, qui buvait du lait? Ah, je sais pas. Ça me parle comme ça. Aucune idée, j'avoue que Tesla, je ne suis pas penché sur son cas. Tu racontes des histoires, hein, je ne sais pas si c'est... tu devrais écrire des romans. tu vois. Mais après, enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans les sciences. J'aime beaucoup, beaucoup l'histoire des sciences. C'est vrai que dès que j'ai l'occasion avec mes élèves, c'est un truc que j'adore. Et puis en plus de s'être penché dedans, maintenant, je commence à avoir un petit background. Je vois un peu comment... Et c'est vrai que la création de la mécanique quantique, c'est une pure histoire. À ce propos, je vous recommande chaudement le grand roman de la physique quantique de Manjour, Kumat Manjour. C'est... extraordinaire, ça se lit comme un roman alors que en fait c'est mon roman de c'est mon livre de chevet. Manjut Kumar. Tu viendras nous faire un podcast dessus. C'est un... Mais pour le coup, c'est vraiment l'histoire de la mécanique quantique de A à Z et le bouillonnement. Mais c'était de la folie, quoi. Quand on prend une photo du congrès Solvay, prenez n'importe quel congrès Solvay, vous avez vu les gars qu'il y a dedans, quoi. Il n'y a que des méga pointures. C'était extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Puis ils ont... Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est sympa dans l'histoire des sciences. Et puis au-delà de ça, pour pédagogiquement, c'est très intéressant aussi de voir comment un modèle se construit, les allers-retours qu'on est parfois obligé de faire, les impasses dans lesquelles les scientifiques s'engagent pour finalement revenir. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Dans la chatroom, ils aimeraient bien qu'on mette le nom de ce bouquin, en fait, de cet auteur. Hein. Dont tu parles là, sur l'histoire de la... C'est Manjit Kumar, M-A-N-J-I-T, Kumar, K-U-M-A-R. Mais si vous pouviez checker sur Internet, parce que moi je ne sais pas, toutes mes fenêtres se sont bloquées, vous n'êtes que deux statues depuis déjà trois quarts d'heure et je ne peux plus accéder à rien. Non mais bon, voilà, mais je suis content de vous entendre. Voilà, je suis content que vous m'entendiez, mais je n'ai plus accès à rien. Manjit Kumar, je pense. Bon, d'accord. C'est le ça, grand roman de la physique quantique. Alors... C'est dans la collection jaune, là, vous savez, Flammarion Champ, là. Si tu le dis, ça doit être vrai. Ok, attends, je le note. C'est bon. Ok. Bon, eh ben, on va quand même continuer. Un petit mot pour remercier Guillaume, qui est notre dernier mécène, qui a rejoint nos mécènes sur Patreon. Et donc, merci à vous tous qui nous soutenez financièrement. Et puis, il est temps de passer à la citation du jour. Et c'est à Nils. Ah, la côte. J'avais donc pris une phrase d'un personnage de Luigi Pirandello dans son livre Feu Mathias Pascal. Ce personnage s'appelle Mathias Pascal. Et à un moment dans le livre, il dit ceci. Qui sait combien ils sont, mes frères, ceux qui sont dans les mêmes conditions que moi ? On laisse son chapeau et sa veste, avec une lettre dans la poche, sur le parapet d'un pont au-dessus d'un fleuve. Et puis, au lieu de s'y jeter, on s'en va tranquillement en Amérique ou ailleurs. Aha ! Aha ! Et Léa ? C'est sur la table de chevet de... Exactement. Celui-là, précisément. Ouais. Oh la vache. Ouais. C'est, fou, c'est magnifique. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Je veux dire, le mec, c'était un cabot pas croyable. Il a fait une sortie, mais tellement en scène. Mais tellement mise en scène, le mec. Ah non. C'est sûr. Ouais. Le livre est très très bon d'ailleurs. Hein. Je vous le conseille aussi. Là, le livre de Pirandello est très très bon. Il y a un film avec Marcello Mastroianni qui s'appelle, ouais, pareil, Feu Mathias Pascal qui reprend ça. Là. Mais le livre est très très bon. Et c'est vrai que c'est fou, quoi. C'est fou, mais c'est l'histoire d'un gars comme ça qui effectivement simule sa propre mort pour revivre ailleurs, plus loin. Ah ouais, les gens qui disparaissent comme ça. Eux, voilà. Il y en a après, il y en a, ouais, effectivement. Il y en a plein, paraît-il même. Il paraît. Mais peut-être que tout à coup, il s'est pris de passion pour la biologie et qu'il ne l'assumait pas, on ne sait pas. Ouais, là, il ne peut pas assumer. Quoi. Là, franchement, non. Il était obligé de monter un truc énorme quoi, pour disparaître. Parce que... si les gens l'apprennent, de la physique basculer vers la biologie. Mais... Il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu d'autres avant. Mais qui bah, y a Alan Turing, il a fait un peu. Lui, il a fait. Il a fait de la biologie, ouais. Oh. Ouais, si, si. Il a pas fait de physique, mais il a basculé de maths, logique, informatique à la biologie, si. Non. Si, si. Il s'est intéressé à comment les motifs apparaissaient sur les pelages des animaux, notamment. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais. Eh ben. Mais non, mais les gens ont le droit d'être curieux, en fait. Ouais, bah, oui. Mais, ils ont même intérêt à l'être. Gilles aussi, à la fin de sa vie, s'intéressait vachement à la neurologie, par exemple. Ouais. Bon, bref. Bon, bref. Eh bien, Aléa, tu veux nous parler du quiz ? Tes aléas du direct ? Ouais. Oui, alors... Comme toujours, Podcastiation vous propose un quiz auquel vous pouvez répondre en nous envoyant un message sur podcastscience@gmail.com. Et le quiz du moment est le suivant. Les abeilles des champs vivent mieux que les abeilles des villes, info ou intox ? Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Nils. Vise, c'est ça ? C'est le vive. Vive. Ah, je ne sais pas. Spontanément, je dirais plutôt... celle des villes, elles ont peut-être plus à manger tout le temps. Pareil, d'ailleurs, que c'est pas bon, en fait, de mettre des ruches dans les villes. Mais bon, je sais pas. Pourquoi ça serait pas bon de mettre des ruches dans les villes? Et ouais, pourquoi ça serait pas bon? Eh ben, je sais pas, j'ai lu un article l'autre jour comme quoi il disait que, ben, en fait, tu déplaces les écosystèmes, quoi, parce qu'il y a des fleurs tout le temps. Et en fait, les abeilles, elles sont un peu ouf, quoi, parce qu'il y a tout le temps des gens qui ont des fleurs, étant donné qu'on fait venir des espèces tropicales, des trucs, et voilà, on. Enfin, donc les abeilles des villes sont un peu sous en fait. Ben, un peu, c'est un peu l'esprit, ouais. C'est un peu l'esprit, quoi. Elles sont un peu surmenées. Il y a tout le temps à manger. Donc celles qui font la danse, elles sont complètement repues, là. Enfin, complètement. On a marre de danser, il y a de la bouffe là-bas, allez-y. Il y en a partout, il y en a besoin de partout. Vous partez n'importe où, ça marche. Même plus besoin de faire la danse, quoi. Ouais, mais ça affecte pas celle des champs, finalement. Ben, ouais, je sais plus. Je sais pas, je pense que celles des champs sont mieux parce que celles des villes bossent. C'est perdu en vos questions. Non, mais c'est super bien comme question là. J'adore cette réponse. La réponse est celles des villes, elles sont vraiment trop fatiguées, vaut mieux être dans les champs. Moi j'adore cette réponse. Je valide. On est quand même plus cool à la campagne, quoi. Non, mais c'est vrai, hein. Moi je dis la même chose tous les jours. Hein. C'est vrai. Ah ouais. T'habites à Paris en même temps. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Ouais, je sais ce que c'est que de vivre à Paris, c'est pareil. C'est pareil, t'as de la lumière tout le temps, t'as des sollicitations tout le temps, t'es invité à faire des fêtes tout le temps et t'es fatigué. Et voilà. C'est pareil. C'est pareil. Alors que quand tu vis à la campagne. Comme ça, sur les villes, est-ce que vous avez vu, y a un mec qui a montré que maintenant on éclaire tout en LED là. Toutes les réverbères, c'est des LED, c'est une lumière qui est beaucoup plus puissante, du coup les moustiques sont beaucoup plus gros et du coup les chauves-souris aussi. Le mec il a montré ça, c'est vrai? Ouais, c'est une étude et pour le coup c'est tout à fait sérieux. Les insectes et notamment les moustiques que mangent les chauves-souris sont beaucoup plus gros du fait de la lumière LED qui est beaucoup plus puissante et qui visiblement leur convient bien, et donc les chauves-souris, ben, elles évoluent dans le même sens, elles sont plus grosses. Ils sont plus gros. Non, ben, j'en sais rien, ça, par contre. Alors, quel est l'impact de la lumière sur... Il doit mieux se développer, j'en sais rien. D'accord. J'ai vu ça. Parce que qu'il y en ait plus, du coup, si c'est... Non, mais faut se méfier, c'est un physicien qui dit ça, hein, quand même. Faut pas... Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu apocryphe. J'avoue. Faudra demander. Ouais, non, j'en sais rien. Je sais pas. T'as déjà entendu ça, Iléa, toi? Mais pas du tout. Et je suis en train de chercher des articles. Ah, t'as pris grosse chauve-souris obèse sur Internet, tu vois. On a Alex. Non, mais Alexa, c'est la pro des chauves-souris. On peut le demander aussi, mais Iléa l'aurait entendu aussi, je pense. Bon, elle va chercher. Je suis sûre qu'elle va chercher. Bon, d'ici là. J'ai une annonce. Donc, il y a un concours de nouvelles, et j'ai pensé à toi, Nils, aussi, qui est lancé par le ministère de l'Éducation, dont le thème est « Le hasard fait bien les choses ». Voilà. Donc, la date limite d'envoi de vos textes, c'est le 31 janvier. Donc, c'est dans pas longtemps. On mettra dans les notes d'émission le site Internet où vous trouverez toutes les infos. Voilà. Concours de nouvelles. Le hasard fait bien les choses. Voilà, et eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, merci Nils d'être venu. C'était vraiment une super soirée avec toi. Je pense que ça donne envie d'avoir un prof de physique comme toi, quoi. Ça doit être super. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais, c'est merci. C'est pas ce que me disent mes élèves, mais bon, c'est autre chose. C'est vrai. Ouais, parce que bah, voilà, et après je suis aussi exigeant, hein. Je peux être aussi le vieux prof de physique avec la barbe. Nous qui avons l'image, on peut le dire. Mais vous avez encore l'image parce que moi je vous ai mais plus. Oui, mais vous êtes à parti. Fond. Non, on te voit. On te voit, on voit bien que t'es un vieux prof bien, avec la barbe. Ouais. Je suis nu sous ma blouse, vous ne le voyez pas. Mais... Il a encore des cheveux, ça va. Pas trop blanc. Donc, en tout cas, si le mystère vous intrigue toujours, on vous recommande très, très, très fortement d'aller lire le polar de Nils. Vous allez vous éduquer, vous allez pénétrer dans le CERN et passer un super moment avec plein de physiciens. Hein. On a vu ce soir, il y a plein de prix Nobel. Voilà, et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas aussi à les poser à Nils via notre page internet, par exemple. Et puis, si vous avez envie de passer un moment, disons, plus intime avec nous, eh ben, rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous serons tout oui et prêts pour affronter toutes vos questions. Voilà, donc rejoignez-nous et d'ici là, que servir la science soit votre joie.